Toujours à l'occasion de la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le président du Parti de la Russie juste, Mironov, lui a fait parvenir un message de félicitations. Le destinataire a indiqué que sa promotion à la magistrature suprême de la République populaire démocratique de Corée montre le soutien du peuple envers lui. Il s'est exprimé convaincu de la continuation du dialogue constructif entre le Parti de la Russie juste et le Parti du travail de Corée. Il a ensuite souhaité santé au maréchal Kim Jong-un et grand succès dans ses activités pour le bien-être de son peuple. Finalement, il lui a formulé hommage.